Chapitre 3. Un été en Allemagne du Nord. Nous arrivons à Bückeburg en fin de matinée, après avoir quitté Bad Mergolsheim hier soir et passé une nuit à l'hôtel. Le trajet sur l'autoroute a été inintéressant. J'avoue avoir eu le cœur serré en quittant la maison de retraite qui a donné une orientation inattendue à mon destin. Adieu, mes chères cuisinières, femmes de ménage et aides-soignantes, dont j'ai beaucoup aimé le côté rustique et familier. Adieu, Liselotte, la femme aux 15 poupées. Adieu, la sioniste, Madame Lohmann, avec laquelle j'ai eu une vive altercation à propos d'Israël et de la guerre des six jours. Adieu, enfin, à Frau Obrin, qui m'a remercié pour mon court passage, apprécié par l'ensemble du personnel. Bonjour, la Basse-Saxe. Bonjour, l'Allemagne du Nord. Dans leur appartement situé en bordure de forêt, les parents de Klaus nous accueillent avec le sourire. Ursula, sa petite sœur, âgée de 7 ans, me dévore de ses yeux verts pailletés d'or. Sur la table, dans un angle du salon, des assiettes en fine porcelaine, avec des serviettes assorties à la nappe damassée, attendent les tourtereaux affamés que nous sommes. Rien à voir avec la vaisselle en verre sur la table en formica chez mes parents. Je me sens balourde, empotée dans ce milieu petit bourgeois, mais j'espère qu'on met mon air emprunté et mes sourires crispés sur le compte d'une timidité bien réelle et qu'on ne doute pas de mon désir d'ouverture. Klaus non plus n'a pas dû se sentir bien à l'aise quand je l'ai présenté à ma famille. Mais maman n'a pas arboré sa bouche en accent circonflexe bien longtemps dès lors que mon si brave père l'a invité à partager sans façon le repas du soir. Dans la pièce, un caniche noir lèche les pieds d'Ursula. Un couple de rouge-gorge chante dans une cage. Des poissons étranges se poursuivent dans leur aquarium. Cette présence animale dans une maison est chose toute nouvelle pour moi, car je ne l'ai constatée nulle part dans mon entourage. Des tableaux au mur, des livres dont la bibliothèque vitrée, un intérieur douillet, autrement plus chaleureux que tout ce que j'ai connu jusqu'à maintenant. Les plats sont présentés avec goût, mais je sais que je ne me souviendrai pas de ce que j'ai mangé, car je n'ai pas de mémoire gustative. Le café, nous allons le prendre au salon. La mère de Klaus, petite, brune, aux épaules menues, n'a nullement le profil germanique tel que je me l'imaginais. J'en apprends la raison au cours de la conversation. Du sang français coule dans mes veines. Ma mère descend de Huguenot, établi en Prusse orientale, où il possédait d'immenses forêts. Son mari, mon père, décédé en 1943, possédait une grande librairie à Chemnitz, où Klaus est né. Lui aussi était d'origine française. Beaucoup de descendants d'exilés se mariaient entre eux et continuaient à pratiquer leur langue. Je peine un peu à la comprendre en raison des mots saxons émaillant ces phrases que Klaus me traduit. Chemnitz, n'est-ce pas aujourd'hui Karl-Marx-Stadt? Oui, Clotilde. Nous avons tout perdu là-bas. La librairie a été confisquée à jamais par les communistes. Soupirs et épaules avachies. Après le bombardement de notre maison, nous avons fui vers l'ouest dans des conditions chaotiques. Nous avions terriblement peur des Russes qui ont violé beaucoup de femmes. Oui, je suis au courant. Avec ma mère, déjà veuve, nous avons vécu jusqu'en 1950 dans un deux pièces misérable à Hanovre. Le pire, c'était le froid. Et puis tout manquait dans notre quartier en ruine. Notre petit Klaus a souffert d'un rachitisme dont on peut voir les traces sur son sternum. Des années épouvantables, ajoute au bout d'un long silence le père de Klaus, qui évoque ses multiples va-et-vient, souvent à pied entre Chemnitz et Hanovre, pour sauver ce qui pouvait l'être sous les décombres de la maison familiale. Il me montre dans une armoire du salon quelques objets rapportés dans ses lourds baluchons. De la porcelaine de Meissen, de l'argenterie, des verres en cristal de Bohême, des livres précieux écrits en caractère gothique. J'ai vendu pas mal de choses au marché noir car j'étais au chômage à la fin de la guerre, du fait de mes fonctions antérieures d'officier dans la Wehrmacht. J'ai exercé de multiples petits boulots avant d'être réintégré dans l'armée de l'air au début des années 50, ici à Bockeburg, où nous avons pu prendre un nouveau départ. Aujourd'hui, j'ai le grade de lieutenant-colonel. Ce jeune quinquagénaire aux yeux souriants d'un bleu d'acier, de traits réguliers, un peu rond, aux pommettes hautes, grand, solidement bâti, m'inspire de la sympathie. Il se présente à son tour. Je suis né en 1916 dans une famille de soldats et j'ai grandi dans le giron de l'armée depuis ma plus tendre jeunesse. Je n'ai pas eu le choix des études. J'aurais tellement aimé étudier la médecine. La guerre, je l'ai passée sur le front de l'Est. Une chance que je n'y ai pas laissé ma peau comme mon frère Wilfried, qui servait dans la Waffen-SS. Les SS n'étaient pas tous des tortionnaires, Clotilde, réplique le père de Klaus en remarquant mon froncement de sourcils. C'étaient des soldats comme les autres. Ils ont laissé pourtant des souvenirs atroces dans ma région d'origine. Pourquoi n'est-il pas entré dans la Wehrmacht comme vous? C'était son choix. Pour lui, c'était le meilleur moyen de combattre le péril rouge. Il ajoute assez froidement au bout d'un moment. C'était un gentil garçon, mais la guerre, c'est la guerre. Si le soldat n'obéit pas aux ordres, il est fusillé. Je sais bien. Le rideau de fer m'a séparé définitivement de ma famille, restée en Saxe. Je n'ai même pas pu aller à l'enterrement de mon propre père, décédé en 1962. Je ne sais pas si je reverrai un jour Peter, le fils de Wilfried qui vit à Halle. Je ne peux rien faire pour lui, malheureusement. Le père était nazi, le fils vit dans la RDA communiste. Quelle ironie de l'histoire! Est-il communiste, lui? Je n'en sais rien, mais on l'endoctrine, c'est certain. Madame Lehmann, sans doute soucieuse de clore ce chapitre pénible, enchaîne sans transition. Moi, je suis fille unique. Il me reste maman et une cousine qui vivent toutes les deux à Hanovre. Je vais chercher mon album de photos. Klaus écoute d'un air rêveur, surtout lorsque sa mère souligne ses ressemblances avec Peter, dont la famille possède quelques clichés. À aucun moment il n'est intervenu dans la discussion. « Si on allait faire un tour, Clotilde, j'ai besoin de me dégourdir les jambes. » Tout en faisant le tour du quartier net et propre, nous discutons. « Klaus, tes parents ont vécu des choses horribles après la fin de la guerre. » « Je l'ai appris en même temps que toi. » En temps ordinaire, ils n'en parlent jamais, comme s'ils voulaient enfuir à jamais les années noires dans leur mémoire. Je me demande s'ils n'ont pas voulu me montrer, à moi, l'étrangère, qu'ils ont été plus des victimes que des parties prenantes du nazisme. Mon père veut peut-être se refaire une virginité. Qui sait ce qu'il a sur la conscience? Tu sais, je ne l'ai jamais aimé. Il a l'air gentil pourtant. Il a un peu changé depuis la naissance de ma sœur, qu'il adore. Mais nous avons eu pendant longtemps des rapports difficiles, lui et moi. C'est une personne autoritaire, raide, têtue, qui veut toujours avoir raison. Un soldat, quoi. Il me faisait peur quand j'étais petit. Les rares fois où je l'ai vu, avant mes 4 ans, je me réfugiais en pleurant derrière ma mère ou ma grand-mère. Elles ont dû te gâter, ces deux-là. Avec quoi, à l'époque? Nous manquions de tout. C'était pareil chez nous. À l'école, on nous donnait du lait chocolaté l'après-midi. Nous le buvions jusqu'à la dernière goutte, crois-moi. Personnellement, je n'ai pas souffert de la faim, car maman tenait une épicerie où je piquais tout ce que je voulais. J'ai le souvenir de gravats déblayés par les femmes du quartier avec des pelles. Même ma mère prêtait main forte. Dans ma rue aussi, il y avait des maisons bombardées, à gauche et à droite de l'épicerie, et en face aussi. Aujourd'hui encore, elles sont restées en l'état, envahies par des herbes sauvages. Elles étaient pour moi une énigme, dans un paysage où j'avais mes petites habitudes de fillette laissées à elles-mêmes. Pas question que je joue dehors, c'était bien trop dangereux avec les montagnes de ruines. J'accompagnais parfois maman dans sa recherche de mauvais pain, de pommes de terre à moitié pourries, de charbon. Tout était noir et sinistre. Quand nous avons déménagé à Bockeburg, j'ai vu pour la première fois de la verdure et des fleurs. Quel bonheur de courir dans la forêt où sautillaient les écureuils. Il y en a plein par ici. Une nouvelle vie commençait pour vous tous. Oui, mais mon père, lui, n'avait pas changé. L'éducation, pour lui, c'était du dressage militaire. Enfermement dans les toilettes pendant des heures si je pleurais, déambulation obligatoire sur des parapets de pont, interdiction de parler pendant les repas, contrôle strict de mon travail scolaire et de toutes mes activités. Ma mère aussi n'avait qu'un mot à la bouche, me mater, me faire filer droit. Jamais de bisous, ni de caresses, jamais de compliments. Les parents de cette époque étaient durs, très durs. je n'aurai jamais d'enfant. Laissons de côté ce sujet, s'il te plaît. Ton père fait ce qu'il peut pour toi. Il te paye les études que tu souhaites faire et t'a même acheté une voiture. Ma vieille bagnole, une voiture? Il t'aurait fallu une BMW, peut-être. Dis, ce n'est pas ton paternel, là-bas, dans le champ? Si, il possède un petit lopin dans cette zone de jardin ouvrier. Un homme qui aime travailler la terre ne peut pas être un mauvais homme. C'est à voir. Nous rejoignons M. Lehmann qui déclare en regardant au loin après s'être raclé la gorge. « Pensez à faire bien attention. »« T'en fais pas, papa. Moi, je pique un phare, on peut s'en douter, mais je ne vais pas le rassurer en lui contant que je prends la pilule. » « Voici à quoi se résument les conseils à un fils en matière de sexualité, me dis-je. « Klaus, tu iras dormir ce soir chez nos voisins, car on pourrait nous dénoncer si nous permettons à deux mineurs non mariés de dormir sous le même toit. » C'est la loi, c'est comme ça. L'hypocrisie sociale semble avoir la vie aussi dure de ce côté-ci du Rhin que chez nous en France. Une forêt dans la nuit, Klaus étale sa veste sur un lit de feuilles mortes. Je m'assois. Bruissement feutré. Nous parlons à voix basse, pourtant il n'y a personne alentour pour nous entendre. Aucune lueur sous les frondaisons épaisses. Le noir est d'encre. J'ai toujours craint l'obscurité et surtout de m'y trouver seule. Je ne crois pas théoriquement à la réalité d'esprits et de revenants plus ou moins malfaisants, mais cela ne m'empêche aucunement de sentir des êtres inquiétants dans les vieilles bâtisses et la forêt. La présence de Klaus ne réussit pas à me rassurer. Je ne me refuse pas à ses baisers, mais je ne m'abandonne pas vraiment. Sous mon dos, des petites bêtes piquent. Je me lève brusquement. Regarde la lune briller sur le pare-brise de la voiture garée à une dizaine de mètres de là. Cet œil glacé me fait frissonner. Klaus, qui commence à connaître mes silences, mes sourires distants, ma difficulté à regarder les gens en face, mes gestes qui esquivent, ne dit rien et attend que les ombres de mon esprit se dissipent. Il m'aime, du moins croit-il m'aimer. Je l'aime aussi, assurément. Ne sommes-nous pas indissolublement unis dans notre amour de l'art, notre véritable et unique religion? Avant-hier après-midi, après avoir quitté Bad Mingolsheim, puis passé une nuit agréable dans un hôtel d'Essen, nous avons visité une exposition de Marx Ernst à Recklinghausen. Un environnement oppressant, béton, verre, ferraille, bitume, fumée jaune crachée par des usines gigantesques au-dessus des cités ouvrières. Nous nous sommes recueillis dans l'atmosphère feutrée du musée. Je buvais les paroles de mon ami et lui goûtait l'écho trouvé auprès de moi. Tous les deux, fort impressionnés par la représentation de la forêt, thème récurrent chez l'artiste, et de figures fantasmagoristes nées de grattage, frottage et décalcomanie, nous sommes repartis avec les images de végétation foisonnante et de vie grouillante de tous ces êtres qui hantent les légendes allemandes de leur présence souvent maléfique. Je me rassois toute tremblante. Klaus m'entoure ses bras et se remet à m'embrasser, mais je me dégage vivement et regarde autour de moi comme une bête traquée. Des lueurs ne dansent-elles pas derrière les troncs épais? Là, à gauche, ne sont-ce pas des craquements et des soupirs? Immobiles, l'un à côté de l'autre, nous écoutons, hypnotisés, la vie de la forêt. Frémissement des feuilles, léger balancement des branches, course d'un petit rongeur, frottement d'une aile d'oiseau. Ce ne sont pas des éléments de la nature en mouvement que nous percevons, mais des elfes, des kobolds, des gnomes, des lutins sortis des contes nés dans ces contrées de forêts impénétrables. Ces mêmes forêts qui ont tant fasciné Max Ernst. D'un même mouvement, mû par le même instant, nous courons à la voiture. Démarrons sur les chapeaux de roue. Nous racontons seulement à l'approche des lumières de Bockeburg les raisons de notre frayeur, absolument identiques. Pour moi, les soi-disant charmes de l'amour dans la nature resteront à jamais liés à l'herbe qui gratte, aux fourmis qui chatouillent, à la peur d'être découvert et surtout à l'angoisse métaphysique saisissant les individus seuls sous le ciel nocturne éployé dans tout son mystère au-dessus de leur tête. À Brunswick, Klaus habite au premier étage d'un immeuble ancien très étroit en briques rouges, chez Madame Faulk, qui lui loue une pièce minuscule à côté de sa propre chambre à coucher. Morale oblige, je ne puis que jeter un coup d'œil depuis le seuil de la turne à l'équipement rudimentaire. La septuagénaire, une femme chenue aux formes plantureuses, apprécie beaucoup son locataire qui lui montre tous les jours le charbon de la cave pour son fourneau, descend ses poubelles dans la rue et lui rend un tas d'autres menus services. C'est de bonne grâce que cette ancienne cuisinière, chez une famille bourgeoise, m'invite à préparer notre repas dans sa cuisine, où elle m'abreuve de conseils. Baissez le feu dès que l'eau se met à bouillir. Vous pelez les légumes trop généreusement. Respectez scrupuleusement le temps de cuisson. Vous savez, j'ai gardé des habitudes d'économie datant de la guerre. Je garde les petits morceaux de savon, les tubes de dentifrice, je les presse jusqu'au bout. J'éteins la lumière quand je sors d'une pièce. Mes parents en font autant, vous savez. Dites, vous avez des enfants? Mon fils unique n'a plus donné de nouvelles depuis novembre 42. Mort ou prisonnier à Stalingrad, je n'ai jamais su. Je garde toujours un petit espoir. Mon mari, lui, a perdu la vie dans votre beau pays en 44. 1 million de veuves de guerre en Allemagne. Ça vous parle? Merci, Hitler. Rêveuse devant la photo des deux disparus bien en évidence sur le buffet de la cuisine, je me dis que ces femmes d'un certain âge qu'on voit assises sur des bancs publics, dans les parcs et les salons de thé, ont eu et continuent d'avoir un itinéraire tristement parallèle, perte d'êtres chers, parfois de leur maison et de leur terre natale, solitude, difficulté à se reconstruire, et sans doute une très petite pension. L'après-midi, nous errons dans le centre-ville où la guerre, ici aussi, a fait des ravages. Quelques bâtiments administratifs d'aspect assez lourd à mon goût, des maisons médiévales à colombages et à encorbellement qui semblent sorties de livres de contes, mais ne se comptent plus que sur les doigts des deux mains. De rares façades baroques, une splendide fontaine, une église dont j'ai du mal à définir le style, c'est à peu près tout. Pour le reste, des tracés droits et angulaires, des constructions sans fioritures, comme on en trouve un peu partout dans la Nouvelle-Allemagne. Nous nous arrêtons jour après jour dans une brasserie typique où nous retrouvons Karl Hasse, le grand ami de Klaus, lui aussi étudiant à l'école des beaux-arts. Très souvent, nous nous laissons tenter par une bière bien fraîche et une saucisse grillée dont le fumet est l'emblème olfactif du pays. L'intérêt de Karl pour l'art dit conceptuel m'échappe complètement. Dans ses compositions à la mine de plomb ou de petits rectangles parfois rehaussés de couleurs, flotte dans l'espace, je ne perçois ni contenu ni intérêt décoratif. Je ne suis pas du tout convaincue par sa démarche artistique qui l'enrobe d'une littérature obscure. Pourquoi entourer de tant de mots abscons un style si minimaliste, lui ai-je demandé un jour après la lecture d'un de ses articles dans une revue d'art. Karl s'est contenté de caresser sa moustache rouge de l'air de quelqu'un qui connaît exactement le but qu'il poursuit. Cette étrangeté d'esprit mise à part, j'aime bien ce garçon ouvert, jovial, serviable, toujours si merveilleusement calme, qui envisage d'ores et déjà de créer une entreprise de design. « Il ira loin, me dit souvent Klaus, il est plus ambitieux que tu ne le crois. » Karl possède le même art de palabrer que son père, technicien du son. Quand il nous emmène chez ses parents, occupant un logement social à la périphérie de Brunswick, on peut s'attendre devant le poste de télévision jamais éteint à des heures d'explications sur des problèmes que M. Hasek a réussi à résoudre et dont il entrevoit la solution. Klaus feint de trouver un grand intérêt à ces arts réussis. J'apprécie surtout pour ma part les délicieux gâteaux confectionnés par la mère de Karl, une grande femme blonde tout aussi avenante que son fils. En dehors de son intérêt passionné pour les innombrables applications du son, M. Hasek aime railler les politiciens français si arrogants d'une manière générale d'après lui, et tout particulièrement le grand de Gaulle, le nouveau Louis XIV, ou celui qui se prend pour Napoléon. Cela m'agace énormément, car je ne me sens nullement responsable de l'attitude des dirigeants de mon pays, pour lesquels je n'ai aucune sympathie. Je brûle parfois de lui demander « Et si on parlait de Hitler ?» Malin comme il est, irrespectueux au possible des autorités, Le père de Karl a dû se cacher derrière bien des dos en attendant tranquillement que la folie dévastatrice des chefs nazis ait fait son œuvre. Le soir, nous rejoignons l'affreux gourbi humide et sans fenêtre qu'un étudiant en vacances laisse à notre disposition. Dans cette combuse, impossible de lire, tant l'éclairage est déplorable. Il n'y a ni radio, ni télévision. Comme distraction, ne nous reste guère avant de dormir que les ébats amoureux. Notre relation est apparemment au beau fixe. Pas de chamaillerie ni de bouderie, mais depuis quelque temps, classe me semble avoir un peu changé. Certains de ses désirs, influencés par les magazines des kiosques aux couvertures indécentes, me mettent mal à l'aise. Dans un livre de William Reich qu'il m'a offert, je comprends bien que le plaisir a été refusé à la femme, non à la société occidentale. Mais pas question pour moi de reléguer l'affectif à l'arrière-plan, au profit d'une activité charnelle d'où le cœur est exclu. Les mots libido, jouissance, orgasme sont pour moi une découverte qui me laisse plutôt froide. Quand je lis dans une revue que des femmes aiment bien regarder des films porno pour s'en inspirer avant de faire l'amour, j'en ai littéralement la chair de poule et ça me dégoûte. L'envahissement des boîtes aux lettres jour après jour par les prospectus pornographiques me donne la nausée. En tant que femme, je me sens souillée, flétrie, piétinée. Jusque dans l'intimité des maisons, on inonde les gens de choses innommables, ce qui met Madame Folk dans une colère noire. La dernière en date montrait une femme nue couchée sous un porc. Vous avez vu ce que je viens de trouver en allant chercher mon courrier? Mais où va le monde, dites-moi? Outré, je m'apprêtais à déchirer le papier en 1000 morceaux quand Klaus me l'a arraché des mains pour aller le ranger dans sa chambre avec d'autres documents du même acabit. Mais qu'est-ce qu'il va en faire, votre ami? Il s'en sert dans le cadre de ses études, je crois. La dame a secoué la tête d'un air dubitatif. Je ne vois pas comment. Moi non plus, en vérité. Une nouvelle source d'inspiration, peut-être. C'est bien dans l'air de l'époque. Que penser de ces sexes féminins ouverts que mon amoureux introduit de manière plus ou moins crue dans ses tableaux au milieu de rochers aux formes surréalistes et de figures dégoulinantes de sperme? Il le fait avec talent, mais pourquoi cette obsession si particulière? Le sait-il lui-même? Contrairement à Karl, il n'entoure jamais ses œuvres de mots. J'observe aussi avec un grand scepticisme la joyeuse Smala, invitée régulièrement par Wolfram, lui aussi étudiant en art plastique, un très beau garçon viril au regard canaille qui préfère de loin la bonne vie à la peinture. Il ne montre jamais ses productions artistiques peu abondantes, d'après Klaus, car il consacre le minimum de temps à des études dont il attend la fin avec placidité. Hier, dans sa mansarde, il avait préparé les poivrons farcis pour une dizaine de copains qui, après s'être enfilés bière sur bière, ont pris place en cercle par terre au milieu de la pièce et se sont passés dans un silence religieux, les joints de bouche en bouche. Moi qui n'ai jamais fumé et suis hostile à l'expérience des paradis artificiels par peur de faire souffrir mon corps, je me suis mise en retrait avec Claudia, une belle fille très éprise de Wolfram. J'avais du mal à ne pas m'esclaffer en entendant certains étudiants analyser leurs impressions à voix haute avec un sérieux de scientifique, tandis que ma voisine, elle, était plongée avec le même sérieux dans la lecture d'Anna Karénine. Je ne suis donc pas la seule à être davantage intéressée par les mouvements de l'âme d'un personnage que par la description de ses prouesses sexuelles. Sur Klaus, la drogue semble faire peu d'effet d'après ses dires. En mon fort intérieur, je désapprouve la mentalité grégaire de mon ami, lequel, de son côté, dénonce en moi une grande rigidité de mœurs et un manque d'ouverture. Parfois, j'ai hâte de rentrer chez moi et de reprendre le train-train de mes études.